Il était une fois au bord de la rivière, lassé de ma journée et Sandrine m'est apparu comme dans un rêve. Ngaï, moni mambu na mona na mona pena komiko banga ulinga na mondo yo mokolo alekaki epai na biso oya ngai nzoto meduse hey, na bobangi o grand cupidon tala suka likambo oyo oyelinga oyebi kopona tango bien ya kobetela moto molango mama na junior nakangami mobimba naniakokabolanga na yo akuka te rien qu'un petit mot pour naeba position nangai et païna yo pour balai d'argi ya marca buena koya komi buma nanila olilo benga et tout la mama moko les ali chéri au kobanza pena mon amour mama na junior mama na dilane kwine yaya na bango Naomi na omachuda yo ba chale na ebio sali kitoko mama 20 ans na latisa yo diademe ya reine Sherazade Sandrine leka mama plus mama na lupi ororo na leliye longola Miami sonanga ata na sourire ya pamba Sandrine Roger Tassin Gisèle Tassin ona ba parents na yo na koloba ndenge nini pote bayeba ke nalingaka yo Morgan Mbeki yo vandelanga na molema lokola busta Bouddha na kajibia Dalai Lama zwa kanda na molema ekomisaka moto mpakanga na bo tokoma elongi na dikosi mama tokoma ngambo ngambo ya ebale mama yo bashale nayebi ozali kitoko mama 20 ans nalatisa yo diademe ya reine Sherazade Sandrine Nathalie Mogreva ororo na leliye longola Miami sonanga ata na sourire ya pamba Sandrine Kiki de London Nicole Kazadi ona ba parents na yo na koloba ndenge nini pote bayeba ke nalingaka yo Willy Beaubois Bénédicte Beaubois nalingaka te yo mona kapasi na absence nanga yango nakundaka nzoto nalingaka te yo mitya susi ndrine mama nanga ngawa yo nakukatwa yo vivre pasi ya bo mama bebe na maboko yo vivre pasi ya monzema hiver malakinie yo koti ni anzi moko sezi na mula nini mama yo ba chale na yebio zali kitoko mama 20 ans na latisa yo diademe ya reine Sherazade Sandrine ma ompeta ngandu ororo na leliye longola mayami sonanga atana sourire ya pamba Sandrine la valeur sûre riche kakabal na ba parents na ye na kolo banenge nini pote bayeba kinalinga kayo Jean-Claude Katanga qui n'aime la zone et la main. L'ingénieur de son, l'homme qui arrive à manipuler 19 019 boutons à la seconde près. JP Kiss Kiyungu. Dans la cour de grand, eh ben ça chauffe quoi. Dieu, Dajane, maman Albertine. Ninel Joujou, maman Edith, mon conti, ma maman y'a bien. Adidas Mpembe, Lina Boutique, Constant Omari le Grand, Sami Mikovi le Grand Stratège, Juve Kabwende, maman Thérèse Massène, Edith Bam, Jackie Lunga, Jean-Jacques Mandé. Abrassage appel Vincent Vicente Gomez, le PDG Patou Batanga Moussolo, Kimboala, Edgar Nguesso, le fils à papa, unité production. Et bien la nouvelle école, Ignace Miami Moleka Diamant 10 000 carats, Betola, Daniel Ravis Robert, Jean-Marie Anquin, Christian Malila. Le vieux camp Gramo Pao Nalinga kate Yomona kapasi n'absence nanga Yangona kunda kanzoto Zingeti le rakabak Nakoko kate Yomitia susi indrine mama nanga Ngawayonako Atua. Jise kabasele Yo vivre pasi ya bo mama bebe na maboko Sama selnet na be na mama mako Yo vivre pasi ya monze ma hiver na kinye Nazwa nouvel ya bebe ya mou Yo kodi ya timo kose ti na mula nini mama Boto na eti lelo Yo ba chale Mama, mama, yo mo yibigate Nalila ofa Ah,